إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وعليكم السلام ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours numéro 46 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Juste en passant, juste avant de commencer notre cours, je voulais juste vous mentionner que j'ai appris hier que le cheikh Mohamed Ramzan al-Hajiri, il a été malade, il a été hospitalisé quelque temps. Donc, oubliez le pas dans vos doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse puis améliore sa santé. Hein. Donc on va commencer. On est arrivé à la partie dans Al-Usul al-Thalatha. Où le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit Al-Kufru bil-Tahut wal-Imanu billah. Waftarad Allahu ala jami' al-Ibad al-Kufru bil-Tahut wal-Imanu billah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à toutes les créatures, à tous ses serviteurs, à tous les hommes, de rejeter le Tahut, de refuser de croire au Tahut et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Al-Fawzan il explique. Il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit ثم ذكر تعريف الطاغوت فالطاغوت ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي سورة النساء قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقول سبحانه في المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وفي سورة النحل يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد يقال طغى الماء إذا ارتفع إذا ارتفع منسوبه. Donc le cheikh il explique que Allah on va mentionner maintenant la définition du mot طاغوت. Qu'est-ce que ça signifie le mot طاغوت? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le mot Tahout dans plusieurs versets dans le Coran. Parmi ces versets, le verset 256 et 257 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a pas de contrainte en religion, nulle contrainte en religion. Car la vérité, c'est, la droiture, c'est clairement, c'est clairement distingué de l'égarement et de la déviation. Donc quiconque rejette le Tahout et croit en Allah, alors il s'est certes accroché au câble le plus ferme qui ne se brise pas. Et Allah est certes audient et omniscient. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs protecteurs, leurs alliés sont le Tahout. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer, où ils y demeureront éternellement. Et dans Sourate An-Nisa, le verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu ceux qui prennent, ou ceux qui ont reçu, ou ceux à qui on a donné une partie du livre? Ils croient en la magie et en le tarot. Alors qu'on leur avait, ils croient en la magie et le tarot. Et ils disent à ceux qui ont cru, est-ce que ceux-là sont plus bien guidés que ceux qui ont cru? Est-ce que ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru? Ou est-ce qu'ils sont sur une meilleure voie que ceux qui ont cru? Donc ce verset-là, qu'est-ce que ça dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète, il dit, n'as-tu pas vu celui qui a reçu une partie du livre, c'est-à-dire les juifs? Ils croient en Al-Jibt. Al-Jibt, c'est la magie. Wat-Tahout. Al-Tahout, c'est le shaitan. Et c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ils disent à ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les juifs, ils disent aux mushrikin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui adoraient les idoles, est-ce que ceux-là, c'est-à-dire est-ce que les musulmans sont mieux guidés? C'est-à-dire les mushrikoun, ils demandent aux juifs, est-ce que les mushrikoun sont mieux guidés que les musulmans? Donc c'est comme si, eux, ils répondent, les juifs, ils ont répondu aux mushrikin quand on leur a posé la question, qui est mieux guidé d'entre les musulmans? Qui est mieux guidé entre les musulmans et les mushrikin? C'est qui sont sur une meilleure voie? Et les juifs ont témoigné d'un faux témoignage et ils ont répondu aux mushrikin que ceux qui étaient mieux guidés, c'étaient les mushrikin et non les musulmans. D'accord? Donc, ça c'est un exemple du mot tarot dans ce verset-là, encore une fois, qui est utilisé. Et donc, ce verset parle des juifs. Et dans un autre verset, le verset 60, dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des munafiqin, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarot, alors qu'on leur avait ordonné de ne pas y croire. Alors que c'est en cela qu'on leur avait ordonné de ne pas croire. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le tarout. Et il dit, wa fi surat al-Nahl, yaqulu jalla wa ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula an i'abudu Allah wa ijtanibu al-tarout. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et linguistiquement, le mot tarot vient de At-Turyan. At-Turyan qui signifie de dépasser la limite. At-Turyan, ça veut dire de dépasser la limite, comme lorsqu'on dit Taralma. C'est-à-dire l'eau, elle a dépassé sa limite, elle a débordé. L'eau a débordé. Donc, on mentionne ça dans le verset 11 dans Sourate Al-Haqqah. Le verset 11 dans Sourate Al-Haqqah, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme tara dans ce sens-là. Inna lamma tara al-ma hamalnakum fil jariya. C'est à propos de Noé. Lorsque l'eau a commencé à déborder parce qu'il y a eu le déluge, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous avons porté sur l'arche, sur le bateau. Il dit ensuite, wa qala ibn al-Qayyim, ma'na at-taghut ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Donc l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a donné une définition du terme tarout, qui est une définition qui englobe toutes les significations possibles du mot tarout et des différentes manifestations du tarout. Il a dit que le tarout, c'est quoi? C'est ce par quoi le serviteur dépasse sa limite. Toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite par rapport à qu'est-ce qu'il adore ou qu'est-ce qu'il suit ou qu'est-ce qu'il obéit. Par rapport à qu'est-ce qu'il adore, qu'est-ce qu'il suit et qu'est-ce qu'il obéit. Et il donne des exemples. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit « Amma ma'na al-tahout fi al-shara, fa huwa كما ذكر ابن القيم رحمه الله ونقله عن الشيخ هاهنا. Donc le Tahout dans la religion, c'est tel que l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné. Et il, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab ici, il le cite. Donc dans les versets qu'on a lus, on a vu différentes utilisations du terme Tahout dans différentes applications, dans différents versets, comment il était employé dans différents contextes. Et dans certains cas, on a vu qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Maintenant, le Cheikh Ibn al-Qayyim nous donne une définition qui est plus générale, hein, qui est plus résumée. Puis on voit comment maintenant le Cheikh il va expliquer cette définition de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc il dit الطاغوت ما تجاوز به العبد حده العبد له حد لأنه عبد حدد الله له حدودا يجب عليه أن يقف عندها فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوتا فمن تجاوز حدود الله التي حددها لعباده وأمرهم أن لا يتجاوزوها وأن لا يقربوها فهو طاغوت فإذا عصى الله وتجاوز حدوده وطغى فإنه يسمى طاغوتا لأنه طغى وتعدى حدود الله. Donc le cheikh il dit, le tahout c'est toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite, toute chose que la personne fait ou croit ou agit qui fait que la personne elle dépasse sa limite vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le serviteur il a une limite, le serviteur, l'être humain, il a une limite, et cette limite c'est la limite que Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis. C'est cette limite que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et à laquelle il doit s'arrêter. Si un être humain dépasse cette limite-là, eh bien, il devient un tahout. Donc, celui qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour ses serviteurs et qu'il a ordonné à ses serviteurs de respecter et de ne pas dépasser ou de ne pas s'en approcher, alors il est un tahout. Donc, s'il désobéit à Allah, il a dépassé sa limite, il a transgressé, alors il devient un tahout parce qu'il a transgressé, il a dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de façon générale, dans ce passage là, dans ce paragraphe, on voit que le cheikh explique que le tahout c'est quelqu'un qui dépasse sa limite. Wa qawluhu ma tajawaza al-'abd ma tajawaza bihi al-'abd حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا التعريف الشامل للطاغوت لأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له وأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته طاعة وطاعة رسوله فيما حلل وحرم فمن تجاوز هذا الأمر فهو طاغوت ومن تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص بها ونفاها عن غيره فعبد مع الله غيره فهو طاغوت المشرك طاغوت لأنه تجاوز الحد في العبادة وعبد مع الله غيره وصرف العبادة لغير مستحقها كمن عبد وكذلك من عبد وهو راض. Donc le cheikh explique premièrement la chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite parmi les choses qui sont adorées ou qui sont suivies ou qui sont obéies. Cette définition elle comprend toutes les différentes sortes de tahout que tu peux trouver, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, quand le cheikh il dit toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite par rapport à qu'est-ce qui est adoré. Pourquoi? Parce que Allah nous a ordonné de l'adorer lui seul. Et de croire qu'il doit être adoré lui seul, sans aucun partenaire. Et il a ordonné également de suivre son messager. Et il a ordonné de lui obéir. De lui obéir à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que Allah a rendu halal et dans ce qu'il a rendu haram. Donc, de respecter ce qui est halal et de croire que c'est halal, et de respecter ce qui est haram et de s'abstenir et de croire que c'est haram. Celui qui dépasse cette limite, il est un tarout, parce qu'il a dépassé la limite de l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire et qu'il s'est rendu exclusif, dans le sens que c'est un de ses droits exclusifs, hein, d'être adoré. Donc si quelqu'un l'a nié, hein, a nié ce droit-là à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a adoré d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là c'est un tahout, parce qu'il veut essayer de s'approprier un droit qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il dépasse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque adore d'autres avec Allah, c'est un tahout, un mushrik. Et le mushrik, c'est un tahout aussi. Le mushrik, la personne qui adore d'autres que Allah, c'est un tahout, parce qu'il a dépassé la limite dans l'adoration et il a adoré d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il a offert une forme d'adoration à autre que celui qui la mérite, c'est-à-dire à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite وكذلك من عبد وهو راض الذي يعبده الناس لهذا ويفرح ويترأس بها الشيء ويتزعم هذا طاغوت مثل فرعون والنمرود ومشايخ الطرق الصوفية الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم يعني ويرضون بذلك أو يدعون الناس إلى هذا أي إلى أن يعبدوهم كما سيأتي فهذا طاغوت في العبادة. Donc le cheikh il dit que également dans la définition du tarot, celui qui est adoré alors qu'il est satisfait de ça, celui qui est adoré par les gens et qui est satisfait que les gens l'adorent, lui il rentre dans la définition du tarot aussi, c'est un tarot. Il se fait adorer par les gens et il est heureux de ça, il est heureux d'être à la tête, hein, d'être le chef et d'être à la tête. Donc celui-là, quand on l'adore, il est satisfait, donc c'est un tahout. Comme l'exemple de Pharaon. Pharaon, il était heureux et satisfait que les gens l'adorent. Même il a déclaré lui-même qu'il était le Seigneur. Donc c'est des exemples de la part de Pharaon qui montrent que c'est un tahout. De même que Nimrod. Nimrod, c'est la même chose. Nimrod en français, hein, Nimrod, c'était qui? C'était le dirigeant à l'époque de Ibrahim avec qui il a eu un débat. Et qu'il a dit, par exemple, dans Surat al-Baqarah, on lit cette histoire, Ibrahim alayhi salam, il a dit à Nimrod, comme si en parlant de son Seigneur, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant, et ainsi de suite. Et puis, Nimrod, lui, en voulant montrer que il est lui aussi, hein, il a la puissance et ainsi de suite, il a dit, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Parce que Ibrahim a dit, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, mon Seigneur c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et lui, il a répondu, il a dit, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Il a ramené deux hommes, il en a tué un et il a laissé l'autre en vie. Deux prisonniers ou deux hommes, je ne sais pas qui exactement, mais le point est qu'il les a, il en a tué un, il a laissé l'autre en vie. Et il a dit, ça c'est la preuve que moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Alors Ibrahim lui a répondu, il lui a dit, c'est mon Seigneur qui fait le soleil se lever, hein, il fait le soleil se lever à l'est et il le fait se coucher à l'ouest. Alors essaie de faire ça toi aussi. Et bien entendu, il n'est pas capable de l'empêcher. Fa'ti biha min al-maghrib, fais-le lever de l'autre direction si tu es capable. Et bien entendu, il n'est pas capable. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Donc, ça c'est un exemple de Nimrod aussi, qui faisait partie de ces exemples de personnes qui ont transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi wa mashayikh at-turuq as-sufiyya al-ghulat, c'est-à-dire les chefs des différentes confréries soufis, et des différentes sectes soufies qui sont extrémistes, hein, qui appellent les gens à les adorer et à les obéir. Et tu vois dans certaines turq soufies, dans la plupart des turq soufies, leur cheikh, il est satisfait que des gens se prosternent devant eux. Hein, et des fois, ils vont dire, non, je ne me prosterne pas devant le cheikh, j'embrasse seulement le sol devant lui. Tu vois? Donc, c'est une façon, une ruse pour essayer de dire qu'il ne se prosterne pas alors qu'en fait, il se prosterne. Puisque c'est quoi la prosternation? C'est de baisser sa tête sur le sol devant quelqu'un ou devant quelque chose. Donc, eux, ils le font devant leur cheikh. Et ils font beaucoup d'autres choses aussi, des actes de shirk de ce genre envers leur cheikh, dans les turq soufis, chez les soufis. Donc, ça, c'est des exemples comment ils adorent, hein, leur cheikh et comment ils ordonnent, hein, à leurs fidèles de faire ça. Et ils sont satisfaits lorsque leurs fidèles font ce genre de choses-là et ils ne vont pas leur interdire de le faire. Ils ne vont pas leur dire non, ça c'est pas correct. Hein? Et parfois, ils vont même inviter les gens à le faire. Donc, ça c'est une autre catégorie de tarout aussi. Donc, ça c'est un exemple. Donc, ça c'est un autre tarout dans l'adoration. وقوله أو متبوع الله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا لأنه اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه فالاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le fait de ne pas dépasser la limite, hein, qu'on ne doit pas dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on a suivi, eh bien, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à toutes les créatures de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les hommes et les djinns, ils ont l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre, hein, au-dessus de lui, hein, parmi les hommes. Donc, ça veut dire que il n'est pas permis pour quelqu'un de suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un suit autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il croit que ça c'est permis, alors il devient un tarout. Il devient un tarout. Parce qu'il a suivi autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et, en ce qui concerne, le fait de suivre les ulama, ou les du'ats, ou les gens qui appellent à l'islam, ou des choses de ce genre, on doit uniquement les suivre lorsqu'ils nous ordonnent de suivre et lorsqu'ils suivent eux-mêmes l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne va pas les suivre eux pour eux-mêmes. Ça c'est très important. Donc le fait de suivre c'est quelque chose qui est particulier pour le prophète, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَالْمُتَّبَعْ هو الرسول صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط ويتبعون للحق وما وافقوا فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباعه. Donc le cheikh il dit que celui qu'on doit suivre c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la base, puis ceux-là, c'est-à-dire les ulama et les gens qui parlent de l'islam, et ainsi de suite, parmi les ulama et les du'ats, eh bien, on doit savoir que ce sont seulement des gens qui transmettent le message, et on doit uniquement les suivre pour la vérité qu'ils transmettent, lorsqu'ils sont en accord avec le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils contredisent le messager d'Allah, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour nous de les suivre. Si on sait, avec preuve, que la personne qui nous parle de l'islam contredit l'ordre d'Allah et de son messager et il nous ordonne de suivre autre que l'ordre d'Allah et de son messager, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le suivre, même si c'est un grand savant de l'islam, même si c'est un grand cheikh, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de ilm et beaucoup de science de l'islam. Si on sait qu'il est en train de nous ordonner de désobéir à Allah et à son messager, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'obéir. Et la même chose pour toute autre personne, comme on a mentionné tout à l'heure, que ce soit un dirigeant ou autre, s'il nous ordonne de désobéir à Allah, on n'a pas le droit de l'obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on obéit dans le reste. C'est-à-dire, on obéit dans le reste, dans qu'est-ce qui est listé et qu'est-ce qui est permis. En ce qui concerne les ulama et les du'at et ainsi de suite, on les suit parce qu'il nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves. D'accord? Et s'il nous ordonne de contredire l'islam ou de contredire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, volontairement ou involontairement, eh bien dans ce cas-là, on ne doit pas les suivre. Si c'est volontairement, ça c'est, de la part des ulama, ça se produit pas. Parce qu'en général, les ulama sont les gens qui ont le plus la crainte d'Allah. Et donc, ils vont pas contredire l'islam volontairement. Mais c'est possible qu'ils vont contredire l'islam par erreur. Et qu'ils vont faire une fatwa, ils vont se tromper dans une fatwa, ou ils vont faire un mauvais ijtihad. Et donc, dans des cas comme ça, on n'a pas le droit de les suivre. Toutefois, si c'est des gens qui font des erreurs ou qui contredisent la sunna volontairement, ça veut dire que c'est des gens de la passion ou que c'est des gens de bid'a. Et dans ce cas-là, il faut ne pas les suivre dans ces choses-là. Hein? Parce que c'est comme ça qu'ils font, ils veulent égarer les gens. Le cheikh, il dit, وَمِثَالُ ذَلِكَ مَشَيْخَ الطُّرُقَ الصُّوفِيَّةِ يَتَّبِعُهُمْ مُرِيدُهُمْ أَوْ مُرِيدُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقولون إننا لسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ مما أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونتلقى عن الله مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله بالواسطة بواسطة جبريل ونحن نتلقى عن الله مباشرة ويقولون أنتم ترون دينكم عن ميت ونحن نروي ديننا عن الله سبحانه وتعالى لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله ويلتقون ويتلقون من الله مباشرة. Donc, le cheikh, il explique que parmi les soufiyas et les shuyukh des turuq soufiyas, il y en a parmi eux que leurs fidèles, ils les suivent dans autre que l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils les obéissent dans la contradiction de la sunna. Et ça, c'est quelque chose qui est en apparence étonnant pour beaucoup de gens parce que beaucoup de gens en apparence s'imaginent que les soufis sont des gens qui ont beaucoup de respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour les messagers. Pourquoi? Parce qu'ils passent le jour et la nuit à chanter le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à faire des bid'ahs de chansons et de danses dans les mosquées pour montrer qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils célèbrent l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque année et ils font dans cette occasion-là plein de shirk et de bid'a et d'exagération au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens du commun parmi les musulmans s'imaginent que ça c'est la preuve qu'ils aiment le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu vois quelqu'un qui reste comme ça pendant des heures en train de chanter le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toi tu penses dans ta tête que ça c'est une preuve d'amour. Alors qu'en réalité c'est la preuve qu'au contraire ils détestent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils sont les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui aime vraiment le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va pas faire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire. Il va, au contraire, faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et il va s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, il n'a pas permis que quelqu'un commence à faire des chansons dans l'islam, commence à chanter son nom, ou exagère au sujet de sa personne, ou des choses de ce genre. Hein? Et il n'a pas légiféré ce que les soufis font comme célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres choses de ce genre. Donc le fait de chanter et de faire des chants sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur lui ou des choses de ce genre, ça ce n'est pas une preuve d'amour réel en islam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné même dans le Coran et il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله comme le cheikh il le mentionne lui-même. Donc dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Donc si vous aimez vraiment Allah, il n'a pas dit, alors dans ce cas-là, allez chanter, allez danser, allez faire des célébrations de l'anniversaire ou des naissances du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, c'est la preuve que vous l'aimez. Non. Il a dit, suivez hein, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez son exemple, suivez sa sunna. Hein, et lui-même, il leur donne aux gens de suivre l'exemple de ses compagnons. Donc, si tu ne fais pas ça, et que tu prétends aimer le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors tu ne l'as pas aimé vraiment. Et le cheikh il dit que parmi les soufis, il y a les chour soufis, tu vas trouver que certains d'entre eux qui disent, nous on n'a pas besoin du messager. Nous on prend directement de là où le messager a pris. C'est-à-dire on n'a pas, nous, ils disent les soufis, on n'a pas besoin du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prend directement de là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris. C'est-à-dire, ils disent, nous, on prend directement de Allah, sans intermédiaire. Et même que parfois, certains d'entre eux, ils pensent qu'ils sont même meilleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils disent, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un intermédiaire entre lui et Allah dans la transmission de la révélation. Parce que c'est Jibril qui lui donnait la révélation. Nous, on prend direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils pensent qu'ils sont meilleurs même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça. Et ils disent, nous, on prend notre religion directement d'Allah, tandis que vous, votre religion, elle est transmise d'un mort à l'autre. Hein? Parce que vous prenez les hadiths. Et pour eux, les hadiths, c'est quand on rapporte le hadith, on mentionne la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission du hadith, ce sont des hommes qui sont décédés déjà, des ulama qui sont morts. Alors, eux, ils disent, vous prenez votre religion de quelqu'un qui est mort, et des gens qui sont morts. Tandis que nous, on prend du vivant, c'est Allah. On prend directement notre religion de celui qui est vivant. Donc, ça, c'est l'exemple des paroles d'égarement de chez les soufis, hein. Qui prétendent qu'ils aiment et qu'ils respectent le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que lui. Hein? Donc ça c'est l'égarement. Mais ces gens-là, ils ne disent pas à tout le monde ces choses-là. Ces choses-là à propos des soufis, hein, vous n'allez pas entendre un soufi qui va venir vous dire ça. Ou si vous allez parler avec quelqu'un qui est soufi, que vous allez lui mentionner cette parole, ils vont dire oui c'est vrai. Non, parce que ça c'est des choses qu'ils cachent aux gens. Ils ne veulent pas que les gens sachent ça. Ils vont seulement dire ça à des gens qui sont d'accord avec eux et qui ont suivi les soufis depuis longtemps et qu'ils ont accepté l'égarement de ces gens-là. Alors par la suite, là, ils vont commencer à leur dire ce genre de choses. Et eux, ils acceptent ces croyances-là. Mais on sait, nous, qu'en général, ils ne vont pas le dire à tout le monde. Donc il ne faut pas se laisser tromper par leur apparence de piété et comment ils montrent qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut rien dire ces choses-là. Hein, c'est pas l'apparence seulement qui fait la différence ou qu'est-ce que la personne dit, par exemple, quand elle chante tout le temps, elle danse, elle dit qu'elle aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que ça c'est des innovations contraires à l'islam. Donc eux, ils sont des gens qui font ce genre de choses-là. Ils disent, nos shuyukh, ils rencontrent directement Allah. Et ils prennent leur religion directement d'Allah. Le cheikh dit, وَبَلَغَ بِهِمُ الْحَدِ إلى هذا الطغيان والعياذ بالله. هذه طريقتهم، لا شك أن هؤلاء هم رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، لأنه لا طريق إلى الله جل وعلا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc le cheikh il dit que voilà à quel, jusqu'à où, voilà jusqu'à quel point ils sont arrivés dans leur transgression, dans leur transgression des limites, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il dit que cette voie-là, il n'y a pas de doute que ceux-là sont des gens qui sont parmi les têtes des tawarit. Et il dit qu'il n'y a pas de chemin qui nous amène à Allah excepté le chemin du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Al Imran, le verset 31, alaykoum salam wa rahmatullah, le verset 31 et 32 dit: si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Dit: obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, alors certes Allah n'aime pas les gens mécréants. Donc ça, tout ça c'est des preuves. Donc quand vous voyez les soufis qui adorent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui exagèrent au sujet de sa personne, pour montrer aux gens qu'ils l'aiment, nous on dit non, c'est pas comme ça qu'on montre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'aime, c'est en suivant son exemple et sa sunnah. Et puis la même chose pour les ahbash et pour les autres qui veulent montrer des exemples de ce genre qui sont contraires à l'islam. Donc le cheikh il dit: فَالَّذِي يَتَّبِعُ غَيْرَ الرَّسُولِ هَذَا يُعْتَبَرُ طَاغُوتًا وَكَذَلِكَ مَنْ يَدْعُو إِلَى اتِّبَاعِهِ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا أَتِيكُمْ بِالْأَمْرِ مِنَ اللَّهِ مُبَاشَرَةً هَذَا أَكْبَرُ الطَّوَاغِيتِ فِي الْعَالَمِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc le cheikh il dit: donc celui qui suit autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré comme un tarout. De même que celui qui appelle les gens à le suivre, il dit aux gens: moi je vous amène l'ordre d'Allah directement. Alors lui aussi c'est un tarout, c'est le plus grand tarout dans le monde. Il vous dit: moi je vous amène l'ordre d'Allah directement. Celui demande: c'est quoi la preuve, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis que nous, il faut faire telle ou telle chose. Tu dis: c'est quoi la preuve? Il dit: non, moi j'ai appris ça, c'est Allah qui m'a dit directement. Ou bien c'est mon cheikh. Mon cheikh, il communique avec Allah direct. Ou bien ils vont dire: c'est le prophète qui est venu, il m'est apparu dans un rêve, il m'a dit il faut faire ça, ça, ça, ça. Des choses qui sont en contradiction avec le Coran et avec la Sunna. Comment tu peux prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit ça? Donc c'est des gens, parfois ils mentent à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire attention. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw muta', qawluhu aw muta', at-ta'a innama hiya lillahi wa li rasulihi bima halala wa harram. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم. ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك بأنه مشرك. Donc le cheikh il dit que après, parmi dans la définition que l'imam Ibn al-Qayyim il a donné de du ta'arut, il a dit donc que la chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite parmi les choses qui sont adorées ou obéies, adorées ou suivies ou obéies, parmi les choses qui sont adorées ou suivies ou obéies. Et là maintenant il donne l'exemple donc de l'obéissance, et il dit l'obéissance, elle doit être uniquement pour Allah et pour son messager, dans ce que Allah a rendu halal et dans ce qu'il a rendu haram. Comme il dit dans le verset 59, dans Sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Et il y aura là-dedans une meilleure compréhension et une meilleure conclusion. Et ce sera meilleur pour vous et une meilleure conclusion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit obéir à Allah et on doit obéir aux messagers. Et à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement, ça c'est une condition. Dans le sens qu'on obéit à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement, à condition que ce qu'ils nous ordonnent de faire, c'est quelque chose qui est permis par Allah et son messager. Mais s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est interdit par Allah et par son messager, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui obéir dans ces choses-là. Donc c'est conditionnel. L'obéissance d'Allah et de son messager est inconditionnelle. L'obéissance des créatures, elle est conditionnelle. Donc le cheikh, il dit, ce qu'on doit considérer comme étant halal, c'est ce que Allah a rendu halal. Hein? Pas nécessaire que ce soit des koufars ou des gens qui décident qu'est-ce qui est halal parmi les hommes. Il y en a qui considèrent halal ce que les koufars ont décidé que c'est halal. Et si les koufars considèrent quelque chose qui est halal, haram, eux ils vont dire non, ça c'est haram parce que les koufars ont décidé que c'est haram. Hein? Non. Nous, on se base sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et la même chose pour qu'est-ce qui est haram. Qu'est-ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Hein? Donc, si les koufars ont dit quelque chose est halal, on n'a pas le droit de croire que c'est halal, sauf si c'est en accord avec ce que Allah a rendu halal. Si Allah l'a rendu haram, on n'a pas le droit de le déclarer halal, peu importe qui a dit que c'est halal par la suite. Donc, on doit se baser sur la révélation d'Allah par rapport à ce qui est halal ou haram, licite ou illicite, légal ou illégal, hein? Permis ou interdit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître suprême dans toutes ces choses-là, et non pas les créatures et les êtres humains. Peu importe qui cet être humain-là peut être, peu importe qui il peut représenter, que ce soit un roi ou une reine parmi les hommes, ou un parlement, ou un gouvernement ou autre, nul n'a le droit de rendre halal ce qui est haram, et nul n'a le droit de rendre haram ce qui est halal. Ce qui est halal, c'est ce que Allah a rendu halal seulement, et ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram seulement. Et il n'y a personne qui est partenaire avec Allah ou qui participe avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation et dans le fait de rendre halal ou dans le fait de rendre haram. Ça, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que c'est pour cette raison-là que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos d'une chose, que c'est une chose qui est halal ou que c'est une chose qui a été interdite ou qui est haram, hein, ça c'est quelque chose qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un obéit celui qui rend halal ce qui est haram, ou obéit à celui qui rend haram ce qui est halal avec connaissance, alors dans ce cas-là c'est un mushrik. Hein? C'est un mushrik. Parce qu'il rend halal ce qui est haram ou rend haram ce qui est halal. S'il croit que ça c'est halal alors que c'est haram, il croit que cette chose-là elle est halal alors que Allah l'a interdite, alors dans ce cas-là, il a commis du shirk, parce qu'il a rendu halal ce qui est haram. Et le cheikh, il explique ça en détail. قال سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. C'est-à-dire manger de ce sur quoi Allah, de ce sur quoi on a mentionné le nom d'Allah. Hein? Si vous croyez en ces versets ou en ces signes. Donc vous mangez de la viande sur laquelle on a mentionné le nom d'Allah. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لأن أهل الجاهلية يقولون الميتة حلال لأن الله هو الذي ذبحها فهي أولى بالحل مما ذبحتم وذكيتم فالله جل وعلا يقول لا تأكلوا إلا ما ذكي زكاة شرعيا وحرم عليكم الميتة وهؤلاء يقولون لا الميتة حلال وهي أولى بالحل من المزكاة لأن المزكاة ذكيتموها أنتم أما الميتة فالله هو الذي ذبحها donc le cheikh il mentionne un exemple de qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure dans le verset 118 à 121 il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné mangez de ce sur quoi on a mentionné le nom d'Allah si vous croyez en ces versets hein? Et il dit et qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi on a mentionné le nom d'Allah alors qu'on vous a mentionné de façon détaillée ce qui vous a été interdit excepté lorsque vous êtes dans des situations de contrainte ou de nécessité. Et il y a beaucoup de gens qui sont égarés par leur passion sans science, et ton Seigneur est certes connaissant, mieux connaissant de ceux qui transgressent. Laissez le péché apparent et ce qui en est caché, le péché apparent et le péché caché, ceux qui font des péchés, ils seront rétribués pour ce qu'ils avaient inventé comme mensonge. Et ne mangez pas de la viande sur laquelle on n'a pas mentionné le nom d'Allah, car c'est une perversité. Et les shayatines, c'est-à-dire les diables, ils inspirent à leurs alliés des arguments, des shubuhat, ou des paroles pour débattre avec vous et pour argumenter avec vous et si vous les obéissez alors dans ce cas là vous devenez des mushrikoun si vous les obéissez alors vous devenez des mushrikoun et le cheikh il explique ce verset qu'est-ce que ça signifie il dit que les gens de la jahiliya pour eux la viande morte le meita c'est halal pour eux les mushrikoun les gens de la jahiliya parmi les mushrikoun pour eux la viande morte c'est halal c'est-à-dire la viande qui a été tuée sans qu'elle soit égorgée et qu'on ait mentionné le nom d'Allah sur elle. Donc pour eux, cette viande-là, elle est halal. Et non seulement ils disent que c'est halal, mais ils disent que c'est encore meilleur que la viande qu'un musulman a égorgée et sur laquelle il a mentionné le nom d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'il dit la viande qui est morte, elle a été égorgé par Allah parce que c'est Allah qui l'a tué, qui a tué cette bête, qui l'a fait mourir. Et tandis que la viande qui est halal, celle que les musulmans ont sacrifiée au nom d'Allah, eh bien celle-là, ils disent c'est vous-même qui l'avez tué. Donc la viande que Allah a tuée est meilleure que la viande que vous avez tuée avec votre propre main. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ce verset là et leur a répondu et leur a dit ne mangez pas la viande excepté si elle a été égorgée de la manière qui est en accord avec la charia et il leur a interdit la viande morte et le cheikh il dit que les mushrikoun eux ils disaient non la viande morte, elle est halal. Hein, et elle mérite mieux d'être mangée que la viande qui a été égorgée par les musulmans, parce que celle-là, elle a été égorgée par votre main, tandis que la viande morte, c'est vous-même qui l'avez égorgée. Donc ça, c'est des exemples de shubuhat que vous trouvez de la part de ces gens-là pour essayer de d'égarer les gens. Et le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا رَدَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ إنه خروج عن طاعة الله. وقال بعدها وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون الميتة ذبحها الله والمذكى أنتم ذبحتموها فكيف تستحلون ما ذبحتم ولا تستحلون ما ذبحه الله فهذه مجادلة بالباطل. ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا من شرك الطاعة. التحليل والتحريم حق لله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que donc les mushrikoun, Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant ne mangez pas la viande sur laquelle on n'a pas mentionné le nom d'Allah, car c'est une perversité, c'est-à-dire ça représente une sortie de l'obéissance d'Allah, comme si on est sorti de l'obéissance d'Allah. Et il dit ensuite et que les shayatin ils s'inspirent où ils inspirent à leurs alliés, hein, des arguments, des shubuhat. Ils disent par exemple que la viande morte, elle a été égorgée par Allah. Et que la viande qui a été égorgée par Allah, elle mérite plus d'être mangée. Tandis que celle que vous avez égorgée vous-même, hein, comment vous la rendez halal alors que c'est vous qui l'avez égorgée et non Allah. Hein? Donc vous ne rendez pas halal ce que Allah a égorgé, mais vous rendez haram ce que vous égorgez vous-même. Donc ça c'est des arguments qui sont batils, qui sont faux, parce qu'elles viennent en opposition avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il y a une certaine apparente logique dans cette parole des arguments des mushrikoun, dans cette parole-là, il y a une semblance de logique. Mais quand on connaît la révélation d'Allah et l'ordre d'Allah, on sait que ce n'est pas de la logique. Puisque la logique, c'est d'obéir à Allah et de suivre qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire, et non pas de suivre ce qu'on pense être la vérité ou ce qu'on pense être bon selon notre raison, sans être éclairé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces questions-là. Et c'est pour cette raison que yani, le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si vous leur obéissez, alors dans ce cas-là vous êtes des mushrikoun. Si vous obéissez aux mushrikoun dans cet argument qu'ils ont ramené, puis que vous commencez à dire « Ah oui, ça fait du sens, ça, c'est logique, hein? Je vais commencer à manger la viande morte, hein? Puis la viande halal, je vais pas la manger, parce que cet argument, elle me semble logique. » Et tu suis les mushrikoun dans cette shubha, tu deviens un mushrik, parce que tu rends halal ce qui est haram, et tu rends haram ce qui est halal. Donc, ça c'est des exemples. Tandis que si quelqu'un mange de la viande morte, sans la rendre halal, en disant oui c'est haram, mais yani, je le mange comme ça parce qu'il suit sa passion, ça c'est un péché. Il ne devient pas mushrik, nécessairement. Il ne sort pas de l'islam parce qu'il a juste fait un péché. Et le péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf que si tu rends la chose halal, ça, ça fait sortir de l'islam. Parce que tu rends la chose halal, tu opposes. Qu'est-ce que Allah a révélé dans sa révélation, tu le nies. Donc ça devient un exemple de kufr, dans ce cas-là, et de shirk. Les ulama, ils disent, la viande des juifs et des chrétiens et des musulmans, ça, si elle a été égorgée et qu'on a mentionné le nom d'Allah dessus, c'est halal. Peu importe si c'est un musulman qui l'a égorgé, ou un juif, ou un chrétien. Si tu as une viande, elle a été égorgée, et on a prononcé le nom d'Allah dessus, et que ça a été fait par un juif, par un musulman, ou par un chrétien, c'est halal. Maintenant, la question des gens, c'est pas à ce sujet-là, parce que ça, tout le monde est d'accord en principe. La question des gens, c'est, qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs? C'est ça la question des gens. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas demandé d'aller chercher ces détails. Comment vous égorgez votre viande? Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré l'exemple. Quand on lui a donné la viande Il n'a pas demandé, cette viande, est-ce que ça a été égorgé de telle façon? Non. On lui a donné la viande, et il a dit, c'est qui vous a donné cette viande-là? Il a dit, c'est une dame qui est juive. Il a dit, ok, il a mangé. Il n'a pas cherché à savoir les détails. C'est ça. Exactement. Mais attendez, je vais juste terminer ma réponse, puis après ça, je vais. Vous pourriez comme rajouter des points si vous voulez par la suite, Inch'Allah. Parce que cette question, de toute façon, c'est une question, comme on dit, c'est une question. Oui, elle revient à répétition. Et il y a des gros débats même sur cette question-là, pas seulement ici au Canada, mais partout, même dans les pays européens et autres, même dans les pays musulmans même. Et donc, les ulama, ils ont dit, t'as pas à poser la question. Sauf si tu sais avec certitude que cette viande, elle n'est pas égorgée. Alors dans ce cas-là, tu la manges pas. Tu la manges pas. Tu comprends? Et ils ont posé la question aux ulama, et c'est ça que les ulama ont dit. Ils ont dit, allez manger et posez pas la question. Si c'est des gens du livre, il y en a qui disent, oh, mais les gens du livre aujourd'hui, c'est pas comme les gens du livre à l'époque. Les gens du livre à l'époque, déjà, ils étaient des mouchrikoun et des koufars. Ils étaient égarés et ils faisaient des péchés, ils désobéissaient à Allah et à son messager, et ils croyaient en la Trinité, ils faisaient plein d'exemples d'égarement et de shirk et de sihr ou d'autres choses. Donc, les gens du livre aujourd'hui et les gens du livre de l'époque, c'est la même chose. Et même des fois, peut-être qu'à l'époque, ils avaient peut-être des exemples qui étaient plus graves dans certaines choses qu'aujourd'hui. En tout cas, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de savoir que ce sont des gens du livre. Peu importe. Même s'ils suivent pas leur livre. Parce que même à l'époque, ils suivaient pas leur livre. C'est ça la choubra de certains. Et en ce qui concerne l'autre question par rapport à... Oui, c'est ça. Donc, les ulama, ils ont dit, si vous allez manger, mangez. Alhamdoulilah, jusqu'à ce que vous ayez, à moins qu'on vous donne la preuve et la certitude, vous avez la certitude que la viande n'est pas égorgée, dans ce cas-là, vous pouvez vous abstenir et pas manger cette viande-là. Et quand on a posé la question à certains chouyours, par exemple, Cheikh Al-Fawzan, en Arabie Saoudite, il y a certains qui disent, nous on mange pas la viande qui vient de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Comme si des fois, là-bas, ils reçoivent de la viande de d'autres pays. Hein? Et il y a de la viande qui est importés, ils importent de la viande d'autres pays. Et dans les restaurants, des fois, ils reçoivent de la viande d'autres pays et des choses comme ça. Et ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan à propos de ça. Et ils ont posé la question à propos de la viande. Il a dit, il y en a des gens qui veulent pas manger la viande. Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit, tant mieux, ça va faire plus pour nous. Et puis il a dit, ça va faire baisser le prix de la viande, comme ça la viande va être moins chère, comme ça on va pouvoir avoir plus pour nous. Ça c'est la réponse du Cheikh Al-Fawzan. Quand Cheikh Al-Fawzan il est venu dernièrement ici, le frère, je me rappelle, il a posé la question au Cheikh à propos du poulet qui est vendu ici. Est-ce que c'est permis de le manger? Et le Cheikh il a répondu, il a dit, moi je viens avec toi pour le manger si tu veux. Si tu m'invites, Inch'Allah, je vais y aller, je vais manger ça avec toi. Donc c'est pour dire comme si, il n'y a pas de problème. Et cette réponse, c'est la réponse de tous les ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, quand il est venu aux États-Unis, hein, rahimahullah, quand il était venu, il était hospitalisé là-bas. Et quand il était venu, on lui a posé la question, et il a répondu par cette réponse-là. Et plusieurs ulama, ils ont parlé de ça. Et c'était toujours la même réponse. Donc, ça c'est à ce sujet-là. Maintenant, il y en a qui, des fois, il y en a qui veulent toujours être un peu plus exagérés dans ces questions-là. Puis, des fois, ils dépassent un petit peu la limite. Et puis, ils veulent trop chercher les petits détails, puis rendre la chose haram. Si c'est halal, t'as pas le droit de le rendre haram. Si c'est haram, t'as pas le droit de le rendre halal. C'est les deux la même chose. Mais il faut être dans l'équilibre. Si tu préfères t'abstenir, toi, parce que t'as des doutes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Ça, c'est ton droit. Hein? Et c'est ton choix. Tu choisis, toi, de prendre la voie qui est يعني la voie qui est la plus sûre pour toi-même. Mais ça c'est parfait, c'est bien. Mais interdis pas aux autres, wa alaykoum salam wa rahmatullah, mais interdis pas aux autres de manger ça si eux ils veulent, hein. Donc ça c'est des gens, ça c'est des exemples à ce sujet-là. Naam. Donc il reste juste un paragraphe. فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم ما عند نفس من عند نفسه أو يطيع من حلل أو حرم من عند نفسه ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون من دون الله وهذا معنى قوله أو مطاع أي مطاع في التحليل والتحريم لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما حلل وحرم. Le cheikh il dit donc il n'est pas permis à quiconque, hein, de rendre halal ou de rendre haram de sa personne lui-même, à partir de sa propre personne. C'est lui qui décide qu'est-ce qui est halal ou qu'est-ce qui est haram. Ça c'est pas permis, hein. Et c'est pas permis non plus d'obéir à celui qui rend halal et qui rend haram de lui-même. C'est pas permis. Et celui qui fait ça, il est un tarout. Et celui qui obéit au tarout, qui rend halal ce qui est haram, ou qui rend haram ce qui est halal, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est ça la signification de ce que le Cheikh a dit tantôt, au muta, c'est-à-dire qui dépasse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant dans le fait de rendre halal et dans le fait de rendre haram. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de rendre halal ou de rendre haram, c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le messager ne fait que transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est halal et haram. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continue la semaine prochaine bi'idhnillah, et on va finir le livre dimanche, probablement le dimanche prochain, ça va être le dernier cours. On termine le livre, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.